tard. Ça part au quart de tour pour un regard. Le couf c'est une tondeuse, tu reprends jamais du poil de la bête. Un tas de galères, les larmes de ma mère, il la fout à l'envers pour nous faire dégager. Quand elle prenait des cachets, c'était pas après un concert. Chaque quartier a ses abîmés, c'est aussi vrai que chaque café a ses habitués. On va pas s'attarder, je me suis fait à l'idée. Venez me réanimer, saleté, délinquance juvénile. J'éteins de te plaît, Bélec, c'est un tranche du Brésil. J'éteins de te drague quand t'as des darons sans emploi. Il te dit qu'il t'aime quand tu n'as pas confiance en toi. Il a tué beaucoup mais n'est jamais présent aux obsèques. J'éteins, donne du liquide pour étancher ma soif d'oseille quand je suis à sec. Besoin d'espace, des textes riant de vérité, pas de messe basse. Mais ils acceptent pas qu'on se batte. Méconnaissable, je dépose les armes. Entre les drogues, les femmes, ils se coupent, je récolte les flammes, ouais. Méconnaissable, j'ai le bonnet d'âne. Je fais la sieste aux examens, je fais partie de l'école des fanés. Méconnaissable, je dépose les armes. Entre les drogues, les femmes, ils se coupent, je récolte les flammes, ouais. Méconnaissable, j'ai le bonnet d'âne. Je fais la sieste aux examens, je fais partie de l'école des fanés. Les gens m'évitent dans la cesse, noyé. Devenir toxicomane, c'est horrible. Gros rigolable, y'a vraiment pas de quoi festoyer. J'suis deg, ça y est. T'sais, frère, j'fais le fier, mais à part pas grand chose, moi j'ai rien fait de l'année. Mais tu connais, hein, les aléas, les années passent. Y'a du changement depuis les premiers textes gratés. Malheureusement, trop on déconne et grave. Mais connais ça, putain, pourquoi il a fallu que tu testes là? C'est la merde, sa mère. On joue avec le feu, résultat les moins allumés d'hier. Là, on l'a tête cramée. Incompétent, ici y'a rien de bon et j'clampe. J'mélange ma joie et ma haine, dure tête normale dans un monde étrange. Rares sont les gens bien qu'on fréquente. Ça part en steak, mais contrairement à ce que tu manges maintenant. Plus c'est seigneur, moins on est tendre. Et là, c'est hoche, n'est-ce pas? Tout ça me fait mal au cœur, comme voir un peu d'enfance dans un état méconnaissable. Méconnaissable, j'dépose les armes. Entre les drogues, les femmes. Ils se coupent, je récolte les flammes, ouais. Méconnaissable, j'ai le bonnet d'âne. Je fais la sieste aux examens, je fais partie de l'école des fanés. Méconnaissable, je dépose les armes. Entre les drogues, les femmes, ils se coupent, je récolte les flammes, ouais. Méconnaissable, j'ai le bonnet d'âne. Je fais la sieste aux examens, je fais partie de l'école des fanés. Méconnaissable, quand j'ai trop pédave, une tête dans le vide, aux manettes, c'est charme. Ma musique voyage en marche arrière, c'est pour le coup, frère. Quand tout va mal, touche pas ma bouteille. Je fais au max, au minimum, c'est deux coups, une pierre. Méconnaissable, je suis insolent comme Buffy, invivable comme un bad trip. Je traîne à Graveside et qui est le fond du puits. Je reconnais pas certains de mes refs depuis que la blanche a violé leur valeur. Je voulais qu'on perce, mais ça c'est aussi sûr que la parole d'un cop cherche. Et si je trouve pas, c'est ma Smirnoff qui me chuchote mes phases en mode de speed. J'ai cramé trop d'étapes, t'es mort dans le film. En vrai, t'existes pas dans le scénar et toute ma clique s'endort pendant l'examen. Trompe-l'œil, y'a pas que les devs qui calculent les trans. Mon dieu, j'en supplie, épargne maman en planche gueule. On vaut mieux que ces salopes qui jacquent bêtement. Méconnaissable, j'ai le cœur en pierre, mais je crois que mes connes aiment ça. C'est pour les pas besoin de place, mais refais le sable. Méconnaissable, je dépose les armes. Entre les drogues, les femmes, ils se coupent que je récolte les flammes, ouais. Méconnaissable, j'ai le bonnet d'âne. Je fais la sieste aux examens, je fais partie de l'école des fanés. Méconnaissable, je dépose les armes. Entre les drogues, les femmes, ils se coupent que je récolte les flammes, ouais. Méconnaissable, j'ai le bonnet d'âne. Je fais la sieste aux examens, je fais partie de l'école des fanés. Méconnaissable, je dépose les armes. Entre les drogues, les femmes, ils se coupent que je récolte les flammes, ouais. Méconnaissable, j'ai le bonnet d'âne. Je fais la sieste aux examens, je fais partie de l'école des fanés. Méconnaissable, je dépose les armes. Entre les drogues, les femmes, ils se coupent que je récolte les flammes, ouais. Méconnaissable, j'ai le bonnet d'âne. Je fais la sieste aux examens, je fais partie de l'école des fanés.